Salut, salut, salut, comme tous les dimanches sur les ondes du 100 FM à 21h radioactive, c'est Lost in Space, votre rendez-vous rock, musiques expérimentales diverses et variées. Aujourd'hui, on va se plonger dans la musique industrielle avec comme fil rouge Fœtus, un super groupe qui a porté plein de noms. Fœtus in Excelsis Corruptus, Scrapping Fœtus of the Wheel, enfin bref. Plein, plein, plein de mon groupe, et on va s'intéresser en fait à un très bon album de Fœtus Corruptus qui s'appelle Rife, qui va nous servir donc de ligne rouge et de fil conducteur pendant ces plus de 2 heures d'émission, entrecoupé de textes comme d'habitude, entrecoupé aussi d'une sélection orientée là encore une fois, musiques expérimentales et industrielles. Et donc c'est parti. Start to admire the flagrant disregard for the sanctity of other people's lives by the filthy few in positions of power who go for the jugular in order to survive. Disinfect those dangerous rabbit dogs. Make sure the kids stay in. Cause if you wanna be immortal, the training. Yeah. Tobacco shop and soldier of misfortune. In that battle they call life, with the warm solid breeze of Santa Ana whistling around them frail dry bones. And that cockroach in your tinsel town crying mercy, I am the law. When the time runs out, when the money runs out, I can do any goddamn thing I want. Get out of my sight. Get out of my way. Get out of my way. Get out of my way. Run the gauntlet, north and south. March on up to the cannon's mouth. See, I can do any goddamn thing I want. See it before by the horns gone. It's like some folks on the White House lawns. I can do any goddamn thing I want. I'm the cop who's in your tinsel town. Right, pussy, I am the law. I can do any goddamn thing I want. Power makes place where I know hide. If you feel like what you can't prove your eyes. I can do any goddamn thing I want. Change your mind. Might be changed, keep the enemy and focusing in your race. See, I can do any goddamn thing I want. I can do anything. Anything. Anything. Konfiguration deines Nichts. Der Friedhof deiner Augen. Trügerische Ruhe der Musik ist scheinbar. Scheinbarer als das Rufen nach der Lösung. Der Lösung. Es findet statt. Die bessere Welt. Aber nur hier. Der Friedhof deiner Augen. Die Erlösung meiner Träume. Draußen. Mensch trifft Mensch. Mensch trifft Mensch. Erlösung meiner Träume. Offensichtlich unverzichtbar. Offensiv. le souvenir de Foucault, Tolstoï, un cigare, un livre, une potion bien amère, une pierre tombale, le droit de mourir dans la dignité et quelques fantômes. What you don't understand is where everything's leading. When all of the signs you see still point to overload. As you reach out your hand, a shattered picture receding. Like taillights along that lonesome stretch of broken road. Just a reminder, a recollection of faces that will never come to call. When you've cut through the mask, when you've prendre possession de l'espace est le geste premier des vivants, des hommes et des bêtes, des plantes et des nuages. Rung your phone. No one answered. You better say your prayers. You're gonna go down. I know where you live. Ambush faggot. I know where you're hiding. Ambush faggot. I'm gonna call that look off your face. All the better to skin you with. Don't give me no lift. Give yourself up. Get my glass in your mouth. Maggot. Go ahead. Nothing man, nothing man, nothing man, English faggot! You say nothing, man. You're this. You're zilch. You're zero. You're a maggot. You ain't nothing. You ain't nothing, man. You ain't fucking nothing. You'll be nothing. Zero. Nothing. Zip. Nothing. What? Nothing. You ain't nothing. Nothing. Yeah. Gene Sharpe ne parle même pas de la pauvreté dans le cadre réformiste et superficiel de l'aide aux pauvres, de l'annulation de la dette ou de la création de structures qui protégeraient les gens des pires ravages de l'exploitation économique. En fait, il considère les alliances entre classes, entre ceux qui exploitent et ceux qui sont exploités, comme un élément fondamental de sa méthode non violente. Sa liste d'actions non violentes comprend les actions des classes supérieures, des propriétaires, des capitalistes et des patrons. Retrait d'argent des comptes bancaires, coupure de fonds et de crédit, désobéissance fiscale, refus de louer ou de vendre des biens, grève générale des commerçants et même lockout. C'est incroyable parce que plusieurs de ces tactiques ont été historiquement utilisées par les riches pour contrôler la classe ouvrière. Yeah. Thank you. Gene Sharp énumère également un certain nombre d'actions qui peuvent être menées par les gouvernements pour effectuer des changements non violents, montrant qu'il n'a aucune critique de l'État en tant que structure coercitive du pouvoir. Gene Sharp ne propose pas non plus l'abolition de l'armée. Avoir une population civile formée à sa méthode non violente peut, entre guillemets, éviter la nécessité d'établir une forte capacité militaire pour la défense nationale. Mais clairement, la non-violence est un complément de l'armée, pas un substitut. Yeah. Thank you. Il ne propose pas non plus l'abolition des institutions meurtrières comme la police et les prisons, des institutions de contrôle social comme les médias ou les écoles publiques, ou de toute autre institution oppressive. Loin de là, les médias sont un élément essentiel de son modèle. I could see a turning there. Thank you. Il affirme que la lutte non violente contribue à démocratiser la société politique parce qu'elle ne reproduit pas les moyens de répression sous le commandement d'une élite dirigeante. Mais la société politique, superficielle de Gene Sharp, n'aborde jamais les questions d'auto-organisation et donc elle ne remplace ni n'élimine les moyens de répression faisant partie de tout gouvernement, qu'il soit démocratique ou dictatorial. Au contraire, les partis politiques arrivant au pouvoir après une campagne non violente en leur nom prennent en charge les institutions coercitives qui existaient déjà dans la société. Police, armée, prison, école, etc. Aucun mouvement des révolutions de couleur n'a conduit à l'abolition de ces institutions, ni même suggéré une action aussi radicale. Hello. Hi baby. What's your name? Secret, what's yours? I'd like to go up to your place and have a little action. We'll be right back. the kind that I slept. Smack right out of your head at night, night, night, night, night. The crowd of a bit more, the end of the kid. See, you got this pin right in your way. You think you're more a brainer, you're more like me. You think you're prisoner sitting, your talk is a flare. When you throw it up, such a clown, but you're not even cheap to blast with it. You're so down, down, down, slap. Yeah. I've been here and starving to call you the slut. You're like that, not like. Try to be the good boy and an awful kid. So you got this town right under your way. You think you're Marla Brando, you're more like me West. You think you're Prince of the City and your talk is the best. You read the books of the romantic smack, but it's not so romantic, is it? would you like to assume a position? It's a tradition to put your hands on the walls, put your legs and assume a position. It's a tradition. Put your hands on the walls, put your legs and assume a position. And assume a position. And assume yourself. Your legs wide apart, cause I've got the rubber gloves waiting for you. Si les partisans de la non-violence peuvent reprocher aux révolutions autoritaires et armées du passé d'avoir créé de nouvelles institutions de répression, et nous formulons les mêmes critiques, d'autant plus que nous autres anarchistes avons souvent été la cible principale des liquidations, nous pouvons leur reprocher de ne pas avoir aboli ni remis en cause fondamentalement les institutions de répression existantes. La société, quand elle subit un processus de révolution comme celui conçu par Gene Sharp, ne change en rien, si ce n'est pour multiplier le nombre de partis politiques qui se battent activement pour le butin. We'll be right back. vision, c'est rencontrer à tous les airs. Assez eu. Rumeur délire, de soirée au soleil et toujours assez connu. J'arrête la vie aux rumeurs et visions assez lues. La vision s'est rencontrée à tous les airs assez lues. Rumeurs de l'île, de soirée au soleil et toujours assez connu. Les arrêts de la vie aux rumeurs et visions départ dans l'affection et le bruit de et le bruit d'œuf. Assez lu. La vision s'est rencontrée à tous les heures. Rumeur délire, de soirée au soleil et toujours assez connu. Les arrêts de la vie aux rumeurs et visions assez lues. La vision s'est rencontrée à tous les airs. Rumeur délire, de soirée au soleil est toujours assez connu. Les arrêts de la vie aux rumeurs et visions. Et le bruit d'œuf. Thank you. ラスを傾け微笑む彼女は素敵なモデル瞳に映るは甘い夜心変わりはキャメラのせい眠れぬ夜のシャンペンパン讃える男の眼差しかふとしたゲームの始まりは怪しい彼女の輝き Par ailleurs, le mouvement non-violent lui-même reproduit une pensée autoritaire. Il faut élaborer un grand plan stratégique sage pour la libération. La méthode Gene Sharp est fondée sur un mouvement de résistance hiérarchique avec une structure pyramidale et des leaders incontestés. Il ne discute jamais de la possibilité de plans multiples, d'autres courants dont les stratégies seraient différentes au sein du mouvement. Et il ne discute pas des éventuels problèmes liés à des divergences stratégiques ou théoriques au sein du mouvement. En fait, dans son livre sur la création de mouvements démocratiques de libération, la notion de débat fait cruellement défaut. Au contraire, les leaders de la résistance, aussi appelés planificateurs de la résistance, élaborent la grande stratégie, établissent le plan et le font connaître. Gene Sharp envisage clairement une structure de commandement digne d'un parti politique ou d'une armée, dans laquelle une petite camarilla de dirigeants prend des décisions unitaires que des masses moutonnières exécutent. Les nombreuses personnes dont la participation est requise seront plus enclines et aptes à agir si elles comprennent la conception générale ainsi que les instructions spécifiques. Les masses, dans ce cadre, ne sont qu'un élément requis qui doit être éduqué quant à la conception générale, bien entendu formulée sans leur apport, et dont les instructions doivent leur être expliquées. everything that's real. Binge. Cringe. The police used to watch over the people. Now they're watching the people. Sloppy. Now is the only thing that's real. Sloppy. Sloppy. Insane. Insane. Mind dropping. Mind dropping. My obscene. Yeah. La preuve première d'existence, c'est d'occuper l'espace. We'll be right back. what you deserve. Bow down before the one you serve. You're going to get what you deserve. Money, let's go dancing on the backs of the bruised. God, money's not